qui écoutez France Culture, n'hésitez pas, aidez-nous à inventer son avenir. C'est très simple, vous pourrez exprimer toutes vos idées sur le futur de votre radio. Un nouveau programme, de nouveaux services, surprenez-nous. Pour participer à cette consultation ouverte à tous, rendez-vous sur maradiodemain.fr. Pages arrachées à l'œuvre d'Ossip Mandelstam. Texte choisi par Hélène Bleskin. Traduit du russe par Jean-Claude Schneider et publié aux éditions Le Bruit du Temps, La Dogana. Je n'ai pas envie de parler de moi. Mais d'épier les pas du siècle, le bruit et la germination du temps. Deuxième épisode, le bruit du temps. Le poète russe Ossip Mandelstam est né dans une famille juive à Varsovie en 1891. Il publie ses premiers poèmes en 1911 dans la revue Apollon. Il a tout juste 20 ans. Avec Anna Akhmatova et Mikhail Kouzmin, il devient l'une des principales figures de l'école acméiste fondée par Nikolai Goumiliov et Sergei Gorodetsky. En définissant l'acméisme comme la nostalgie de la culture universelle, il donne la clé de sa propre poésie qui actualise, par le mot en tant que tel et sa musique, l'univers intemporel de la culture pérenne où celui-ci plonge ses racines. Son premier recueil de textes en prose, Le bruit du temps, écrit pendant l'été 1923 et publié en 1925 aux éditions Vremia, est un livre consacré aux souvenirs d'enfance et à l'ère du temps d'une époque, les dernières années du 19e siècle en Russie. Extrait. Impérialisme d'enfance. Autour de la statue équestre de Nicolas Ier, en face du Conseil d'État, un grenadier moussu de vieillesse, la tête enfoncée hiver comme été dans un bonnet en peau de mouton à longs poils, décrivait des cercles immuables. Son couvre-chef, pareil à une mitre, avait à peu de choses près la taille d'un mouton entier. Nous, les enfants, avions engagé la conversation avec cette sentinelle décrépite. Que ce soldat n'ait pas été de l'an 12, comme nous le pensions, fut pour nous une déception. En revanche, il nous apprit que les vieux de la vieille qui montaient la garde étaient les derniers à avoir servi sous Nicolas, et que de leur compagnie, il n'était resté que 5 ou 6 hommes. Le hasard a voulu que ma prime enfance pétersbourgeoise se soit déroulée sous le signe du militarisme le plus affirmé. Et vraiment, ce n'était pas ma faute, mais celle de ma nounou et d'une rue de la ville telle qu'elle se présentait alors. Nous allions nous promener dans la portion déserte de la Grand-Rue de la Mer, du côté de l'église luthérienne de couleur rouge et du quai de la Moïka au pavement de bois. Ainsi, nous nous rapprochions insensiblement du canal Kriukov, le Pétersbourg hollandais des cales et des arcs de triomphe à Neptune, avec leurs emblèmes marins, ainsi que des casernes destinées à l'équipage de la garde. Là, sur une chaussée verte, épargnée par les roues, on entraînait les matelots. Les tambours et timbales cuivrées faisaient frissonner l'eau paisible du canal. J'appréciais ces hommes sélectionnés pour leur physique. Tous étaient de stature supérieure à la moyenne. Ma nounou partageait pleinement mes goûts. C'est ainsi qu'entiché d'un matelot à moustache noire, nous cherchions à l'apercevoir en personne et l'ayant découvert au milieu des rangs, nous ne le quittions pas des yeux jusqu'à la fin de l'exercice. Je dirais aujourd'hui, sans détour, qu'à 7 ou 8 ans, ce massif qui était Pétersbourg, ses quartiers en granit, à pavés de bois, tout le tendre cœur de la ville avec sa débâcle de place, ses jardins aux frondaisons bouclées, les îles de ses monuments, les cariatides de l'Ermitage, la mystérieuse rue des Millions où ne passait jamais personne, où s'était immiscée au milieu des marbres une misérable échoppe, surtout l'arche de l'état-major, la place du Sénat et le quartier hollandais, tout cela était à mes yeux sacralisé, avec quelque chose de solennel. Ce qui est singulier, c'est que je n'aurais pas donné un sou pour la cathédrale de Kazan, malgré les ténèbres couleur tabac de ses voûtes et la forêt toute trouée de ses étendards. Cet endroit lui aussi était insolite. Le fer à cheval d'une colonnade de pierre et le large trottoir avec les chaînes étaient prédestinés à l'émeute. Et il y avait là quelque chose d'intéressant pour mon imagination, d'aussi important que la parade de mai sur le Champ de Mars. Quel temps ferait-il? Est-ce qu'elle ne sera pas annulée? Y en aura-t-il une cette année? Déjà sont jetées ça et là les planches et lattes le long du petit canal d'été. Déjà, sur le Champ de Mars, les charpentiers donnent des coups de marteau. Déjà, les estrades poussent comme des montagnes. Déjà tourbillonne la poussière soulevée par les exercices d'attaque. Et les fantassins qui servent de jalons agitent leurs fanions. Il fallait à peu près 3 jours pour dresser la tribune. Pareille rapidité me paraissait tenir du miracle. Et ses dimensions m'écrasaient comme un colisée. Chaque jour, j'allais voir le chantier, j'en admirais la progression harmonieuse, je grimpais aux échelles, me croyais, comme sur les planches d'un théâtre, complice du grandiose spectacle à venir. J'enviais même les planches qui allaient être témoins de l'assaut. Pouvoir se cacher dans le jardin d'été sans être découvert. C'est qu'il y avait là une tour de Babel d'une centaine d'orchestres, un champ hérissé d'épis de baïonnettes, des emblavures de fantassins et de cavaliers. On croyait voir, non des régiments, mais des parcelles de sarrasin, de blé, d'avoine, d'orge. Je fus au comble du ravissement lorsque, à l'occasion des funérailles du prince héritier, les lampadaires furent tendus de crêpes noires ou noués de rubans noirs. La relève des sentinelles devant la colonne d'Alexandre, les enterrements de généraux, les passages étaient mes distractions quotidiennes. Les passages. C'est ainsi qu'on appelait les déplacements du tsar et de sa famille à travers les rues. Je devins fort habile à détecter ces choses-là. Alors, pareil à des cafards, roux et moustachus, les huissiers du palais Anitchkov venaient dire « Rien de particulier, mesdames, messieurs, circulez, s'il vous plaît, n'insistez pas, je vous prie. » Mais déjà, les concierges, armés de pelles en bois, répandaient du sable jaune. Les inspecteurs de police, la moustache fraîchement teinte, avaient semé leurs agents comme des petits pois le long de la rue des Caravanes ou de la rue des Écuries. Je m'amusais à les accabler de questions. Qui allait passer et quand? Ce dont jamais ils n'osaient rien révéler. Il me faut avouer que voir filer comme l'éclair un carrosse armorié avec des oisillons sur ses lanternes ou un traîneau anglais tiré par des trotteurs à résille me décevait toujours. Néanmoins, le jeu du passage me divertissait. La rue pétersbourgeoise excitait en moi une soif de spectacle. L'architecture même de la ville m'inspirait quelque impérialisme enfantin. Je raffolais des cuirasses de la cavalerie, des casques romains de la garde de l'impératrice, des trompettes d'argent de l'orchestre du régiment Preobrajensky, et mon plaisir préféré, après la parade de mai, était la fête des gardes à cheval, le jour de l'Annonciation. Je me souviens aussi du lancement du cuirassé Osliabia, la monstrueuse chenille de mer se frayant un chemin sur l'eau, les grues de levage, les flancs de la cale. Une telle accumulation de soldatesques, voire d'esthétisme policier, aurait mieux collé au rejeton d'un commandant de corps d'armée avec les traditions familiales qui lui sont propres. Elle s'accordait très mal avec les vapeurs de cuisine d'un appartement de moyenne bourgeoisie. Avec le cabinet paternel, imprégné de l'odeur de cuir, veau et peau mégissée. Avec les conversations d'affaires entre juifs. Le temps que Yuli Matveïtch parvienne au quatrième étage, on pouvait plusieurs fois descendre en courant chez le concierge et remonter. Il fallait qu'on le soutienne sous le bras et qu'il reprenne des forces à chaque palier. Dans le vestibule, il marquait une pause et attendait qu'on lui enlève sa pelisse. De petite taille, les jambes courtes, son manteau de vieux lui tombant jusqu'au talon, une lourde toque sur la tête, il haletait tant qu'on ne l'avait pas débarrassé de son douillet castor, puis s'asseyait sur le divan en étendant, comme un enfant, ses petites jambes. Sa venue à la maison était liée soit à un conseil de famille, soit à quelques traités de paix ponctuant un grabuge domestique. Une parentèle, c'est finalement comme un état. Il aimait les disputes entre proches comme un homme d'État se passionne pour les querelles politiques. Dépourvu de famille, il avait choisi la nôtre comme terrain d'exercice, la trouvant particulièrement difficile et embrouillée. Une joie exubérante s'emparait de nous, les enfants, chaque fois qu'apparaissait sa tête de ministre. Elle ressemblait à celle de Bismarck, au point d'en être comique, avec une calvitie attendrissante de nourrisson, si l'on nommait trois cheveux au sommet du crâne. Quand on l'interrogeait, Yuli Matveïtch émettait d'une voix de poitrine un son étrange, indéterminé, comme celui qu'un instrumentiste maladroit tirerait d'une trompette. Et, une fois émis ce son préliminaire, il commençait invariablement son discours par la formule « Je disais justement » ou « Je vous l'ai toujours dit ». Pingouin impotent, ce Bismarck sans enfant au milieu d'une famille étrangère m'inspirait une compassion profonde. Il avait grandi entre la Bessarabie, Odessa et Rostov, parmi des propriétaires terriens brasseurs d'affaires. Combien de contrats signés, de domaines viticoles et de haras vendus en présence d'un notaire grec dans les chambres lépreuses des hôtels de Kishinev ou de Rostov. Yuli Matveïtch faisait fi de la mort, détestait les médecins et se plaisait, pour édifier autrui, à raconter comment il s'était tiré sain et sauf du choléra. Étant allé à Paris dans sa jeunesse et y retournant une trentaine d'années après, il refusa catégoriquement d'entrer dans un quelconque restaurant et passa son temps à chercher un coq d'or où il avait été autrefois fort bien nourri. Or, le coq d'or n'existait plus. Il y avait bien un coq, mais pas le bon. Et quel mal pour le trouver! Inspectant la carte, Yuli Matveïtch, l'air gourmand, hésitait longuement pour choisir un plat, pendant que le serveur retenait son souffle dans l'attente d'une commande compliquée et raffinée. Puis, il se décidait pour une tasse de bouillon. Obtenir de lui 10 ou 15 roubles, c'était toute une histoire. Plus d'une heure à prêcher la sagesse, l'épicurisme et « je vous l'ai toujours dit ». Après quoi, trottant de long en large, cherchant une clé, il se raclait la gorge et allait fourrager dans des coffres secrets. Il eut une fin horrible. Il mourut comme un vieillard balsacien, presque mis à la rue par une famille rusée et tenace du carreau des négociants, chez qui, aux approches de l'âge, il avait transféré son activité de Bismarck domestique et par qui il se laissait mener la vie dure. C'est un Yuli Matveïtch moribond qu'on chassa de son bureau de commerce de la rue du Départ et à qui on donna une chambre dans une petite datcha de Lesnoy. Mal rasé, la mine épouvantable, il restait assis, ayant avec lui un crachoir, étant nouveau. Ses joues livides, bleutées, se couvraient de poils raides, sales. Sa main tremblait en balayant d'une loupe les lignes du journal. Une frayeur mortelle se lisait dans ses pupilles assombries par la cataracte. La bonne posait devant lui une assiette et disparaissait aussitôt, sans demander s'il avait besoin de quelque chose. Son enterrement rassembla un nombre exceptionnel de parents lointains, aussi respectables qu'inconnus les uns des autres, dont un neveu de la banque d'Azov-Edon, qui trottinait sur ses petites jambes en laissant branler sa pesante tête bismarckienne. Institution Tenichev. Avenue du Faubourg, dans la cour d'une vaste maison de rapport au mur orbe, avec un pignon visible de loin et une enseigne vantant le cognac Choustov, 3 dizaines de garçons en culottes courtes, bas de laine et chemisettes anglaises, jouaient au football au milieu de cris terribles. Tous avaient l'air d'avoir été envoyés en Angleterre ou en Suisse pour y être affublés d'habits qui n'avaient rien de russe, n'étaient pas ceux de collégiens, mais rappelaient le style de Cambridge. Une cérémonie me revient en mémoire. Un religieux plein d'onction en froc violet, le public excité d'un vernissage scolaire. Soudain, tout le monde s'écarte, on chuchote, Sergueï Vité, alors ministre des Finances, arrive. On disait de lui qu'il avait un nez en or. Et les enfants qui y croyaient aveuglément ne regardaient que ça. Le nez était banal, il paraissait charnu. Je ne me souviens pas des paroles prononcées alors, mais je n'ai pas oublié le rituel assez élaboré qui s'était établi dans notre propre amphithéâtre de la rue de la Mousse, où de confortables sièges de députés faisaient penser à un parlement. Au premier jour de septembre, des fêtes avaient lieu pour attirer sur cette école modèle une année de miel et de bonheur. Lors de ces rassemblements ressemblant à une chambre des lords peuplée d'enfants, le vieux médecin hygiéniste Virenius prenait inévitablement la parole. Ce vieillard, rose comme le nourrisson des boîtes Nestlé, tenait tous les ans le même discours sur les bienfaits de la natation. Comme on était en automne et qu'il s'écoulerait encore une dizaine de mois jusqu'à la prochaine saison, ses manœuvres et démonstrations semblaient déplacées. Pourtant, chaque fois, au seuil de l'hiver, cet apôtre de la nage prêchait sa religion. Pendant les cours de physiologie, un autre professeur hygiéniste, le prince Tarkanov, seigneur oriental à barbe assyrienne, allait de pupitre en pupitre et obligeait les élèves à écouter son cœur à travers l'épais gilet de velours. Que le cœur ait fait tic-tac ou bien la montre en or, le gilet était de rigueur. L'amphithéâtre, fortement éclairé par le haut, et commodément divisé en secteurs par des allées, avec des pupitres au siège escamotable, était pris d'assaut lors de ces grandes journées. Et toute la rue, envahie par la police et la foule des milieux cultivés, était en effervescence. Tout cela qu'en naissait le XXe siècle. Invariablement, le vieil Isaïe Petrovitch Weinberg, un vrai bouc couvert d'un plaid, commençait en récitant « Dans son voile infini s'éployait sous mes yeux ma vieille amie, la mer ». Puis, Samoïlov, l'acteur du théâtre Alexandra, entrait en se frappant la poitrine, s'égosillait, déclamait avec des cris qui s'achevaient en un murmure lugubre les vers de Nikitine, le maître. Venait ensuite tirer des âmes mortes la conversation de dames charmantes à tous égards, puis de Nekrassov, grand-père Mazaï, et les lièvres ou méditations près d'un perron d'honneur. La comédienne Vedrinskaya Pépier, « Je suis venue pour te saluer », et pour conclure, on jouait la marche funèbre de Chopin. Voilà pour la littérature. Maintenant, les manifestations ayant trait à la vie publique. Avant tout, les séances de la société juridique, présidées par Maxime Kovalevski et Petrunkevitch, où l'on distillait avec un doux sifflement le poison constitutionnel. Kovalevski, un personnage imposant, prêchait une juridiction inspirée d'Oxford. Alors que tout autour on coupait les têtes, il prononçait un discours savant et interminable sur le droit de perlustration, c'est-à-dire d'ouvrir la correspondance postale. Citait l'Angleterre en exemple et revendiquait ce droit tout en y apportant des restrictions. Kovalevski, Rodichev, Nicolas Fedorovitch Anensky, Batyushkov et Ovsianiko Kulikovski prenaient le culte du civisme. C'est là, au voisinage de ce forum privé, que l'enseignement nous était dispensé dans de hauts caissons de verre, avec un chauffage à la vapeur sous les appuis de fenêtres, spacieuse classe pour 25 individus, et en guise de couloir, d'amples manèges parquetés où le soleil faisait danser des colonnes de poussière oblique et où régnait l'odeur de gaz des laboratoires de science. Conformément aux méthodes directes, on pratiquait la vivisection, aussi inutile que cruelle. On aspirait l'air d'une cloche de verre pour asphyxier de pauvres souris gisant sur le dos. On torturait les grenouilles. On portait scientifiquement de l'eau à ébullition avant d'en décrire le processus. On faisait fondre des baguettes de verre sur les becs benzène. L'odeur de gaz lourde et douceâtre des salles de science nous donnait mal à la tête. Mais le véritable enfer, pour la plupart des enfants maladroits, nerveux et pas trop bien portants, c'était le travail manuel. En fin de journée, l'esprit accablé par des cours saturés de discussions et de démonstrations, nous suffoquions parmi les copeaux et la sûre, incapables de débiter une planche. La scie se voilait, le rabot déviait, le ciseau entaillait les doigts, on n'arrivait à rien. L'instructeur s'occupait de deux, trois garçons plus habiles, les autres maudissaient cette matière. au cours d'allemand, on chantait sous la direction de la Fräulein, « Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum ». On nous montrait alors de laiteux paysages alpestres, avec vaches laitières et maisonnettes à toit de tuiles. L'institution était constamment traversée par un courant belliqueux, soucieux des privilèges quasi aristocratiques. Placés là par l'étrange caprice de parents influents, des fils de famille jouaient les meneurs auprès des enfants plus mous de milieux cultivés. Un certain Voïvodski, fils de chambellan, beau garçon au profil antique dans le style de Nicolas Ier, s'était proclamé voïvode et exigeait qu'on lui fasse allégeance en embrassant la croix et l'évangile. Ici, une brève galerie de portraits de ma classe. Vanyushka Korsakov, surnom Côtelette, molle propriétaire terrien, coiffure au bol, chemise à la russe et ceinture de soie. Famille traditionnelle du Zemstvo, Petrunkevitch, Rodichev. Baratz, sa famille est amie de Stasiulievitch, le messager de l'Europe. Minéralogiste passionné, muet comme une carpe, ne parlant que quartz et mica. Léonid Zaroubine, les grandes houillères du bassin du Don. D'abord les dynamos et accumulateurs, puis exclusivement Wagner. Przezeski, de noblesse polonaise pauvre, expert en crachat. Le premier de classe, Zlobodzinski, personnage de la seconde partie des âmes mortes, celle brûlée par Gogol. Type positif de l'intelligentsia russe, mystique tempéré, épris de vérité, bon mathématicien et exégète de Dostoïevski. Dirigea par la suite une station radiophonique. Nadejdin, un raznochinietz, un intellectuel déclassé. Odeur aigre d'un logement pour petits bureaucrates. Jovialité et insouciance, parce que rien à perdre. Des jumeaux, les frères Krupensky. Des terres en Bessarabie, connaisseur en vin et en juif. Et enfin, Boris Sinani, une figure de cette génération aujourd'hui agissante, mûre pour de grands événements, pour une tâche historique, qui mourut, ses études à peine achevées, comme il se serait illustré dans les années de la Révolution. Aujourd'hui encore, certaines dames âgées et de braves provinciales désirant faire l'éloge de quelqu'un parlent de belle âme, et je comprends ce qu'elles veulent dire. Pour évoquer notre directeur Ostrogorski, seul convient le langage de l'époque. Et l'emphase désuète de cette expression saugrenue ne semble plus ridicule. C'est seulement aux premières années du siècle que les basques d'Ostrogorski ont flotté dans les couloirs de l'institution Tenichev. Il était myope, plissé des yeux d'où s'échappait une lueur de moquerie. En somme, un grand singe en frac, scrofuleux, à barbe et cheveux blonds roux. Il avait exactement, j'en suis sûr, le sourire indéchiffrable de Tchekhov. Il ne parvint pas à s'enraciner dans le XXe siècle et désirait pourtant s'y enfoncer. Il aimait Bloch, qu'il était en avance, et il le publia dans sa revue L'Instruction. N'ayant rien d'un administrateur, il se contentait de plisser les yeux, de sourire, et était absent. On réussissait rarement à parler avec lui. Il vous sortait une plaisanterie, même lorsqu'il n'y avait pas lieu d'en faire. « Quel cours avez-vous ?»« Géologie. »« Géologie toi-même. » La raison d'être de l'école, y compris toutes ses sornettes humanitaires, tenait entièrement dans ce sourire. Finalement, il y avait là de bons garçons, de la même chair, du même sang que les enfants dans les portraits de Serov. Petits ascètes, moines dans leur monastère pour enfants, dont les cahiers, les appareils, les cornues de verre et les livres d'allemand abritaient plus de spiritualité et d'harmonie intérieure que la vie des adultes. Hésitant est le bruit et sourd. Du fruit se détachant de l'arbre, dans le choral intarissable du profond silence des bois. 1908. Звук осторожный и глухой плода, сорвавшегося с дрыва, среди немолчного напева глубоко. C'était Pages arrachées à l'œuvre d'Ossip Mandelstam. Texte choisi par Hélène Bleskin. Traduit du russe par Jean-Claude Schneider. Les œuvres complètes d'Ossip Mandelstam ont été publiées en 2018 aux éditions Le Bruit du Temps, La Dogana. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Deuxième épisode. Avec